C'est pour toi Manon ce morceau, Altesse Nanis. Détendu, la vie coupée par la maladie, mais détendu quand elle te voit, toi, sa meilleure amie. Tu sais, j'ai pas trop d'explications à donner, mais je reste honnête en moi, j'espère que Dieu ne l'a pas abandonné. Couché, rongé sur son lit d'hôpital, le cœur en sursis, surtout pendant qu'on parle. Emmène-moi là où ses rêves ont un avenir, là où le pire n'existe pas, quand le meilleur reste à venir. Tu sais, je sens aussi que ses poumons s'étouffent, là où la mort est un gouffre et que le temps s'éteint pendant qu'elle tousse. Aussi rageant qu'est la réalité, mais tu ne peux rien éviter, tu ne contrôles pas l'humanité. Sois là pour elle, quand elle te veut, dis que tu l'aimes et pense ses équelles et laisse les anges lui donner des ailes. Elle a souffert à sa naissance, un et pas l'essence, un mais sans un sourire de la chance. J'écris pour toi, le monde se réveille, j'écris pour toi, les mots éternels et les anges qui descendent du ciel, le cœur scellé.